Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 21 juillet un message de félicitations au roi belge Philippe. Il a félicité le roi et son peuple pour la fête nationale et souhaité la prospérité du royaume de Belgique.